Je suis né il y a pas longtemps dans une usine de voitures. Harvey est mon manager, pour lui je suis un gros dur. J'ai fait la course pour gagner, à trois on va se départager. La course pour la Piston Cup. Alors pour ça je suis parti, direction Californie. Mais une nuit je me suis fait éjecter de mon petit lit. Alors sur la 66, j'ai roulé comme un V8. Et je me suis retrouvé au milieu de Radiator Springs. I am Flash McQueen. Je suis une voiture avec du power up. One day I will be le gagnant de la Piston Cup. Le gagnant de la Piston Cup. Dans ce pauvre petit patelin, j'ai rencontré Martin. Sally, une Porsche sexy, Guido et aussi Luigi. Il y a aussi ce bon vieux Doc, un ancien coureur de course, qui a gagné 3 Piston Cup solo. T'es à Radiator Springs, la plus jolie petite ville du comté de Carburator. Vif comme éclair, puissant comme la foudre. Super course, vraiment, magnifique, impressionnante. La mienne, bien sûr. J'ai dû refaire toute leur piste avec une nommée Lucie. Ensuite, je suis reparti, mais beaucoup j'avais appris. Une fois en Californie, troisième place, j'avais fini. Mais comme j'avais été king, ça a plutôt bien fini. I am Flash McQueen. Je suis une voiture avec du power up. One day I will be le gagnant de la Piston Cup. Le gagnant de la Piston Cup. I am Flash McQueen. Je suis une voiture avec du power up. One day I will be le gagnant de la Piston Cup. Le winner de la Piston Cup. One day I will have the Piston Cup.